Prononciation. P, B, F, V. Page 111, activité 1. Écoutez et dites si les deux mots prononcés sont identiques ou différents.